Rester seul dans le silence. Mes amis n'existent plus. Être seul sur la pierre. Ne plus penser aux êtres qui ont été décimés. Être seul dans le silence. Survivre, sont sur la vivre. Moi, je suis sous le vivre, je suis sous le vivre aujourd'hui. Déconnecté, dès qu'on est déconnecté, dès qu'on est déconnecté, déconnecté, déconnecté, déconnecté, déconnecté, déconnecté, déconnecté.